L'heure de l'adoration. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure de l'adoration, une production de Fréquence Vie. Seul agneau, et c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour toi et moi. Le seul qui a accepté de mourir de la mort sur une croix, sur ce morceau de bois infâme. Celui qui a tronqué sa gloire, celui qui a tronqué sa puissance contre l'humiliation qui nous était réservée, contre la méchanceté qui nous était destinée, contre le mépris qui nous était destiné. Il fut le seul à être capable d'ouvrir le livre, alors même que ton serviteur Jean était découragé, parce que même les anges avait refusé de payer ce grand prix. Il s'est présenté, il a dit, me voici, envoie-moi pour faire, ô Père, ta volonté. Et nous ne pouvons aborder ce temps sans rendre un hommage et un vibrant honneur à l'agneau de Dieu, à l'agneau immolé, à l'agneau assis sur le trône, à celui qui est, à celui qui a été et à celui qui sera éternellement établi comme roi sur l'univers entier. Jésus-Christ de Nazareth est son nom. Emmanuel est son nom. Le sauveur de l'humanité est son nom. Le roi de gloire est son nom. Le Dieu Tout-Puissant est son nom, l'admirable conseiller est son nom. Comment ne pas célébrer cet agneau? Comment ne pas bénir cet agneau? Comment ne pas magnifier cet agneau? Comment ne pas nous incliner devant lui et reconnaître qu'il est grand, qu'il est bon, qu'il est tout, qu'il est merveilleux cet agneau? À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la louange, à lui soit l'élévation, à lui soit l'adoration, à lui soit nos acclamations pour les siècles des siècles, car il est élevé au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout royaume, au-dessus de toute force, au-dessus de toute puissance. À l'agneau soit la gloire. Dis avec moi, à l'agneau soit la gloire. Et qu'ensemble nous puissions le magnifier et dire tout simplement à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau. Oh. De recevoir. Il n'a point regardé à la grandeur qui était la sienne, mais son amour pour l'homme a dominé toute autre considération. L'agneau établi dans toute sa majesté descendu sur cette terre et s'est livré pour toi et moi. L'agneau établi dans toute cette dimension de puissance accepté de s'humilier pour le salut de l'humanité. Comment ne pas l'adorer? Mais pourquoi ne pas le célébrer? Mais comment ne pas reconnaître sa grandeur, son amour, sa puissance et la merveilleuse vie qu'il nous a donnée et cette paix qu'il nous a donnée et cette joie qui remplit nos cœurs chaque fois que nous le célébrons. En son nom, la Bible déclare qu'il est présent. Là où son nom est invoqué, la Bible déclare qu'il est présent. Là où des cœurs l'adorent en esprit et en vérité, la Bible déclare qu'il est présent. Et il siège dans la louange de son peuple, au milieu des chérubins, des séraphins, des anges et de tous ces êtres qui s'entourent du trône merveilleux qui est le sien. L'agneau de Dieu mérite notre adoration. L'agneau de Dieu mérite nos acclamations. L'agneau de Dieu mérite notre reconnaissance. L'agneau de Dieu mérite que nous passions du temps à ses pieds. Car à ses pieds nous apprenons la vie. Car à ses pieds nous apprenons la paix. Car à ses pieds nous apprenons le chemin. Nous apprenons la vérité. Nous apprenons qui est ce grand et merveilleux Dieu que nous avons. À l'agneau de Dieu. À l'agneau. Dieu, à l'agneau de Dieu, ma louange. Je veux rendre ce jour à l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, ma louange, remplie de reconnaissance. Je veux rendre ce jour à l'agneau. À l'agneau de Dieu, ma louange, celle qui vient du plus profond de mon cœur, je veux rendre en ce jour à l'agneau. Je veux que tu m'emmènes en profondeur avec toi, Seigneur. Comme tu l'as fait avec Ézéchiel. Que chaque jour, tu me fasses avancer dans les profondeurs de ton intimité, Seigneur. Dans les profondeurs de ton intimité, Seigneur. Chaque jour, que tes ailes me portent encore plus haut, Seigneur. Que tes ailes me portent encore plus loin, plus haut, dans une nouvelle dimension avec toi. Dans une nouvelle dimension avec toi, Seigneur. Je veux avancer avec toi, Seigneur. Je veux avancer avec toi, Seigneur. Alléluia. Emmène-moi avec toi dans les lieux très hauts. Emmène-moi avec toi dans les lieux très hauts. Emmène-moi avec toi dans les lieux très hauts. Emmène-moi avec toi dans les lieux très hauts. là où tu es, là où tu demeures, là où tu es. Qui touche ton cœur, tu l'as dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que tu recherches. Que chaque jour tes ailes m'emmènent, Seigneur, pour que je sois cet adorateur que tu cherches, Seigneur, pour que je sois cet adorateur qui sait toucher ton cœur, qui sait toucher ton cœur, qui sait toucher ton cœur. Qui sait toucher ton cœur? Qui sait toucher ton cœur, Seigneur? Ah. Là où tu es, là où tu demeures, là où tu es, là où tu demeures, c'est là que je veux être, là où tu es. Là où tu demeures, là où tu es, là où tu demeures, là où tu es, Seigneur, là où tu es, Seigneur, c'est là que je veux être tous les jours de ma vie. Là où tu es, Seigneur, là où tu es, Seigneur, c'est là que je veux te rencontrer. Jour de ma vie, là où tu es, Seigneur, là où tu es, Seigneur, c'est là que je peux pouvoir t'adorer chaque jour. Là où tu es, Seigneur, là où tu es, Seigneur, laisse-moi entrer, laisse-moi m'approcher de toi tous les jours. Là où tu es, Seigneur, là où tu es, Seigneur, laisse-moi me coucher, laisse-moi me prosterner à tes pieds pour chanter. là où tu es, là où tu demeures, là où tu m'approcher de toi sans me laisser distraire par quoi que ce soit, sans me laisser distraire par les circonstances de la vie, sans me laisser distraire par les choses de ce monde qui m'attire jour et nuit. C'est là que je veux être, que mon cœur touche ta réalité, que mon esprit touche à réalité. C'est là que je veux être. Je sais que tu m'attends là tous les jours. Tu me veux dans le secret de ton intimité. Tu veux que je ferme ma chambre et que j'aille te rencontrer. Et c'est là que je veux être. Je veux être, c'est là que je veux être, c'est là que je veux être, afin que toi qui vois dans le lieu secret, tu puisses me voir à tes pieds jour et nuit, afin que toi qui exauces dans le lieu secret, tu puisses m'exaucer jour et nuit. Je veux être, c'est là que je veux être, c'est là que je veux être, c'est là que je veux être, c'est là que je veux être, Seigneur Dieu, quel que soit ce que je traverse, au milieu de toute souffrance que mon cœur peut endurer, je veux garder les regards fixés sur toi, sans me détourner, Seigneur. Que le manque, la nudité, la faim, la soif ne détournent pas mon regard de toi, Seigneur. Au milieu de la maladie, c'est toi que je veux voir. Au milieu de la souffrance, c'est toi que je veux voir. Même si tout le monde m'abandonne, c'est toi que je veux voir. Même si je n'ai plus d'espoir que quelqu'un me soutienne sur cette terre, c'est toi que je veux voir, Seigneur. Parce que je sais qu'il y a une puissance en ton nom. Et que dans ce nom, des miracles se produisent chaque jour pendant que nous serons en train de t'adorer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Agis dans nos cœurs. Au milieu de ma souffrance, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Au milieu de ma souffrance, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Il y a puissance en ton nom. Des miracles s'opèrent en ce nom. Pendant que nous te louons, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Malgré tout ce mépris, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. silence se moque de moi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Même si l'on me rejette, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, Dieu tout puissant est ton nom. Nous t'invoquons, Dieu tout puissant. Dieu tout puissant, Dieu tout puissant. Celui à qui rien n'est impossible. Dieu tout puissant, Dieu tout puissant. Dieu tout puissant, Dieu tout puissant est ton nom. Oh, oh, oh, oh. Dieu tout puissant, Dieu tout puissant. Tu es Dieu tout puissant, Dieu tout puissant. Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, Dieu tout puissant est ton nom. Tu es le Dieu qui guérit. Dieu tout puissant, Dieu tout puissant. Dieu tout puissant, Dieu tout puissant. Dieu qui guérit. Dieu tout puissant est ton nom. Dieu qui libère, Dieu qui libère. Dieu tout-puissant est ton nom. Dieu qui élève, Dieu qui restaure est ton nom. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant est ton nom. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant est ton nom. Confesse-le tout simplement, tu es puissant Seigneur, tu es puissant Seigneur, tu es puissant Seigneur, tu es puissant Seigneur, tu es puissant Seigneur, tu es plus puissant que l'épreuve dans laquelle je suis, tu es plus puissant que tout ce qui m'environne, ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde, dis la parole, et ta parole est la vérité Seigneur. C'est pourquoi, quelle que soit l'adversité que je dois affronter en ce jour, j'ai cette assurance que le Dieu Tout-Puissant s'est positionné pour rouler la pierre qui veut m'empêcher d'avancer. S'est positionné pour rouler la pierre qui veut m'empêcher de croître dans la foi. Pour rouler la pierre qui veut m'empêcher de me réjouir. La Bible déclare qu'un ange est descendu et il a roulé cette pierre parce que ce n'était pas un homme de le faire. Même si ce sont des hommes qui ont positionné cette pierre, la force qui est venue s'ajouter à la force des hommes pour la positionner nécessitait une intervention divine. Et nous avons besoin de cette intervention dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos entreprises, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos communautés, dans la vie de notre nation. Viens rouler cette pierre, Seigneur. Viens rouler cette pierre, Seigneur. Nous t'invoquons, nous t'appelons. Dis avec moi, Seigneur, viens rouler cette pierre. Cette pierre qui m'enferme dans la tristesse. Cette pierre qui m'enferme dans la maladie. Cette pierre qui m'enferme dans la sécheresse financière. Cette pierre qui m'enferme dans la sécheresse spirituelle. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne fais que pleurer. Papa, viens me libérer. Viens rouler la pierre qui m'empêche de te servir. Les circonstances me rendent tellement lourd. Jésus, me libérer. Jésus, viens rouler la pierre qui m'empêche de t'adorer. Les choses de ce monde m'attirent jour et nuit. Rabbi, viens me libérer. Viens de te servir. Seigneur, je vis dans la prostitution tous les jours. J'ai essayé par mes forces, mais je n'y arrive pas. Je suis allée consulter des marabouts. Je suis allée consulter les plus grands féticheurs de ce monde. Je suis allée consulter tous les psychiatres. Mais mon histoire n'a pas encore changé. J'ai essayé par mes frères, j'ai essayé par mes sœurs, mais sans succès. J'ai essayé par mon argent, j'ai essayé par mon intelligence, j'ai essayé par mon expérience, mais sans succès. Viens rouler la pierre qui m'empêche de te servir. Les choses de ce monde m'attirent jour et nuit. Jésus, viens me libérer. Souvenir de toutes ces personnes qui sont liées par une addiction particulière. Je veux me souvenir des drogués, Seigneur. Je veux me souvenir des alcooliques, Seigneur. Je veux me souvenir de tous ceux qui sont attachés à la cigarette. Seigneur, par leur propre force, ils ont essayé. Mais point de solution. Je sais que toi, tu es la solution pour eux. Alors s'il y a une seule personne concernée par cette addiction qui m'entend ce jour, je lève la voix et je crie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, que le miracle entre dans leur maison. Que le miracle entre dans leur maison. Que le miracle entre dans leur maison. Qu'ils soient dégoûtés par la cigarette, dégoûtés par la drogue, dégoûtés par l'alcool, Seigneur. Et que la transformation s'opère. La Bible déclare que tu as le nom le plus puissant que le monde puisse connaître. Et qu'à l'évocation de ce nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est ton nom que nous invoquons ce jour, Seigneur. Qu'un drogué soit délivré. Qu'une prostituée soit libérée. Qu'un soulard soit libéré. Qu'un accro à la cigarette soit libéré. Parce que tu auras roulé la pierre, Seigneur. J'aimerais que là où tu te trouves, tu te mettes à prier. Que tu te mettes à prier. Il y a un miracle pour toi, il y a une solution pour toi. Et cette solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une solution. Il y a une solution pour toi. Il y a une solution pour toi. Il y a une solution. Il y a une solution. Il y a une solution. Il y a une solution. Il y a une solution. Viens rouler la pierre. Je suis fatigué, mon Dieu. Viens rouler la pierre. Je suis fatigué, mon Dieu. Libère-moi, Seigneur. J'ai été humilié, j'ai été abandonné, j'ai été méprisé. Mais libère-moi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Si tu sens ce vent de liberté, tu vas acclamer le Seigneur. Dis Jésus, dis un mot et je serai libéré. Dis un simple mot et je serai libéré. Un simple mot et je serai libéré. Je sais que tu parleras. Je sais que tu parleras, ma faveur. Ah. De là où tu es, lève simplement les mains. Lève simplement les mains. Enchaîné, méprisé, je ne sais plus vers qui me tourner. Humilié, abandonné, je ne sais même plus comment marcher. Sans toi, Jésus, je suis perdu. Sans toi, Jésus. Sans toi, Jésus. Je n'ai plus d'espoir sans toi, Jésus. Dans les mangos, oh, tiens, dis qu'en valo, oh, antio. Dans les mangos, oh, tiens, dis qu'en valo. Jésus dit un mot et je serai libéré, libéré. Je serai libéré, libéré. Je serai libéré, libéré. Je serai libéré, rejeté, je ne sais plus sur qui m'appuyer. Humilié, abandonné, je ne sais même plus comment prier. Loin de toi, Jésus, je suis perdu. Loin de toi. Rejeté, abandonné, je ne sais plus sur qui m'appuyer. Humilié et méprisé, je ne sais même plus comment prier. Ah, loin de toi, Jésus, je suis perdu. Loin de toi, Jésus. Loin de toi, Jésus. Je n'ai plus de vie, loin de toi, Jésus. Aujourd'hui, j'ai compris que le seul chemin, c'est toi. Aujourd'hui, j'ai compris qu'avec toi, je réussirai. C'était l'heure de l'adoration, une production de Fréquence Vie. Son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et...